Leçon 4. Page 20. Activités 2 et 3. Piste 15. Bonjour madame. Bonjour les enfants. Voici Anvi, une nouvelle camarade. Elle est de Hanoï, au Vietnam. Bienvenue dans la classe. Bonjour mes amis. Je m'appelle Nguyen, Nguyen. Anvi, A-N-V-Y. J'ai 8 ans.